Donc Bernie, comment tu te sens à 3 jours de la première date ici au Cargo à Arles, de cette tournée solo d'une vingtaine de dates dans laquelle tu t'embarques ? Bien, je me sens bien, serein. On travaille d'une manière très, très fluide, très posée, on prend le temps et puis voilà, on espère que ça va séduire les gens. C'est nouveau pour toi ? Enfin, c'est une configuration. Ouais, non, la configuration, le set, ce qu'on va jouer, l'humeur dans laquelle c'est fait, tout est neuf, quoi. C'est ce qui est intéressant. Tu as sorti 8 albums avec Trust et 4 albums solo. Et il me semble que Organic est le premier album de ta carrière où tu t'es mis aucune barrière musicale. Ouais, absolument. Ouais, c'est un album, c'est vraiment l'album de la plénitude, quoi. Il y a dans cet album tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît dans la musique, tout ce qui c'est un laboratoire un peu, hein. Quand on a fait cet album avec Iso, on a cherché, quoi. On a tenté des choses, on s'est garé des fois on a trouvé tout de suite. Enfin, franchement, ça a été, on n'avait aucune barrière, aucune limite. L'essentiel était de trouver un moment, une harmonie entre l'envie qu'on avait et ce qu'on entendait, quoi. Et en fait, c'est une démarche que tu avais déjà entamée en 2006 avec le collectif AK-47, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais c'est l'époque où j'ai rencontré, Iso, où il travaillait encore pour Gynéco. Et on a fait une première collaboration sur un titre. Et puis voilà, après Iso est entré dans Trust, tout ça. Et puis bon, c'est vrai qu'on a des, dans ce qu'on écoute musicalement, on est extrêmement proche, quoi. Et donc voilà, moi j'avais envie d'expérimenter des choses, d'essayer des choses, de se mettre en danger, quoi, de se mettre en abîme, c'est ce qui est intéressant. Comme tu disais, c'est un album qui est extrêmement varié, il brasse du rock, du blues, du trip-hop, du hip-hop, de l'électro. Donc tu l'as composé et enregistré avec Iso Diop, ouais, qui est aussi le bassiste de Trust. Et je suppose que cet album n'aurait pas été ce qu'il est sans son apport. Ah ouais, non, c'est clair. Non, c'est un monstre musicalement, Iso. C'est un guitariste à tomber à la renverse, c'est un putain de bassiste, c'est un programmateur, c'est un arrangeur, et surtout humainement, c'est une personne d'une extrême qualité, quoi. Donc et puis il est très ouvert, c'est très facile à travailler, il arrive très, on a vraiment une réelle complémentarité. Moi je techniquement je suis assez limité dans les instruments et tout, donc il arrive vraiment à transposer, à prendre les choses et à les refaire. Et non, ça a été vraiment, les choses se sont faites très très simplement, très naturellement, quoi. C'est clair qu'il a un rôle dans cet album, enfin je veux dire qu'on l'a fait ensemble, quoi. Et comment ça se passait, la composition ? C'est lui qui arrivait avec des morceaux quasi finis, tu lui disais ça me plaît pas, ou des fois moi je lui jouais des trucs à la sèche. Il repartait avec, il mettait un bounce dessus, il réarrangeait, voilà, tout s'est fait comme ça, très simplement. Il y a des choses qu'on a fait en studio sur le moment, comme le contraire de ce que je m'imagine, le morceau qu'on a fait avec Kazé aussi, chacun sa haine, ça s'est fait comme ça, c'est venu, on a laissé vraiment les choses filer comme elles venaient. Et déjà, on rentre en studio, on savait pas ce qu'on allait faire, quoi. Mais on savait qu'on était là pour faire du son. Donc on a travaillé avec un ingénieur aussi, avec Alex, qui était hyper hyper pointu, qui est encore un des rares types dans la musique à vraiment faire du son, c'est-à-dire à savoir piloter une console. Donc voilà, on a travaillé avec des ordinateurs, mais on a fait du son comme ça se faisait, enfin comme ça doit toujours se faire, quoi. Au maximum. Oui, voilà, ouais, chercher de revenir à des formules qu'aujourd'hui on n'utilise plus ou peu, c'est-à-dire utiliser du phasing sur des overheads de batterie, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est les... J'ai l'impression que sur cet album, pour la première fois de ta carrière, là aussi, t'as envisagé ta voix comme un vrai instrument de musique. Parce qu'il y a des morceaux comme Horizontalité de chair ou Spiritualité où tu chantes très bien avec un feeling bluesy. Et d'autres morceaux avec un chant très rythmique, quasi hip-hop. Oui, non, c'est comme c'était essentiel que j'aborde le chant d'une manière différente, déjà avec quelque chose de plus intériorisé. Et puis je voulais vraiment là aussi faire cette expérience. Donc dans le dans la manière de poser, et puis après en termes d'écriture d'être dans plus, d'être vraiment dans quelque chose qui a trait, qui touche au flow de ce qu'on retrouve dans le hip-hop, et avec à l'intérieur de ça de trouver une technique d'écriture à l'intérieur de ça pour avoir quelque chose de rythmique à l'intérieur. Donc c'est assez complexe à mettre en place, mais une fois qu'on a le truc, c'est vachement intéressant, quoi. Après le mettre en place sur scène, c'est encore autre chose, mais c'est intéressant. C'est vraiment il y a une vraie mise en abîme, quoi. C'est aussi une autre manière d'attaquer l'écriture. Donc c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse de travailler comme ça, quoi. Et au niveau des textes sur Organique, tu es toujours autant concerné par les problèmes sociopolitiques de notre pays. Tu parles aussi de religion à plusieurs reprises, de haine. Et quel est, selon toi, le plus grand mal actuel de notre société ? Vaste question. Je pense, enfin, pour moi, ce qu'il y a de pire, c'est l'ignorance, quoi. Parce que c'est, tant qu'on est ignorant, on n'a pas peur. Après, il y a tous les facteurs de misère, d'intolérance, d'exclusion, je pense que mais tout ça est lié en même temps, c'est comme un package. L'obscurantisme, c'est la faillite de la tolérance. Enfin, je veux dire, tout ça, une interaction, que aujourd'hui l'étrangeté est une menace, que tout ce qui est différent, tout ce qui est étranger, tout ce qui est, voilà, quoi, les mots, mais c'est souvent des mots qui reviennent en surface quand une société est malade, comme la nôtre est malade aujourd'hui, quoi. Donc forcément, il y a toutes ces choses-là sont exacerbées et reviennent en surface et on se rabat. La résultante de ça, c'est le score du Front National lors des dernières élections, quoi. C'est aussi effarant de voir que pas mal de textes de Trust que tu avais écrits il y a 30 ans, enfin je pense à Comme un damné, Toujours pas une thune, Fatalité, il y en a plein, sont toujours autant d'actualité, malheureusement. Ah ouais, malheureusement. Malheureusement, c'est une grande fierté personnelle d'avoir des choses qui traversent comme ça, et bon, le plus bel exemple, c'est Antisocial. Mais en même temps, c'est terrible de constater que... Bah, que ça, voilà, quoi, ouais, qu'on est vraiment dans un système de régression, quoi. Et ça c'est terrible comme constat. On aimerait en effet avoir fait un bon titre et puis bon, quoi, que ce soit désuet, mais c'est pas le cas, quoi. Donc c'est, je sais pas. Mais moi je me contente de, enfin franchement, j'ai pas de message spécifique à délivrer. Je marche pas sur l'eau, j'ai pas d'aile dans l'eau. Je suis pas un messie, quoi. Moi je vis, je regarde le monde, la société dans laquelle je vis. Voilà, après on est traversé par les choses ou pas, quoi. Et en même temps, je conçois mal le fait qu'on ne soit pas traversé ou touché par ça ou sensibilisé par ça quand on est déjà citoyen lambda, et encore plus quand on est artiste. Et les gens qui disent qu'ils ne sont pas concernés, que c'est pas à eux de parler de ça et tout, franchement, moi c'est des discours que je ne comprends pas, quoi. Vraiment, c'est, faut vraiment être très égoïste, très très sur sa gueule, quoi. Faut vraiment être une sale personne. Non, c'est vrai. Après, chacun s'arrange avec sa conscience. On a un titre d'ailleurs qu'on fait acoustique qui s'appelle Il faudra bien payer là-dessus. Où justement, moi je suis convaincu que cette médiocrité, on va la casquer, quoi. Et c'est tout à fait normal et logique. Socialement, il y a bien un moment où ça va péter, enfin, vu ce qui se passe. Oui, c'est aussi le fruit du comportement et du positionnement des gens, quoi. On a quelque chose à voir dans les choses, quoi. On peut pas être éternellement victime. Il y a un seuil de tolérance, et franchement, aujourd'hui, on a du mal à percevoir où il peut se situer, quoi. C'est rarement on a vu ça, quoi. Donc il y a un moment, c'est aussi notre médiocrité. Les mecs qui sont en place aujourd'hui ont été élus, quoi, démocratiquement, et on savait qui étaient ces gens-là avant, quoi. On savait qu'ils étaient, ils sont identifiés, ils sont. Après, que les gens pleurent, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a un moment, faut assumer les choix qu'on a. C'est une question de temps. j'ai lu dans une interview récente où tu disais que le rock se mordait la queue actuellement et qu'il n'était plus créatif. Et que les dinosaures du genre avaient besoin d'un gros coup de pied au cul. Mais si on regarde le dernier vrai mouvement marquant dans le genre, pour moi, à savoir le grunge, musicalement, il proposait rien de vraiment révolutionnaire. C'est plus quelque chose de... C'est pas en termes de révolutionnaire, c'est un moment d'insuffler quelque chose de neuf. Comme il y a eu le mouvement punk, quoi. Il y a des mecs qui sont arrivés qui savaient pas nécessairement jouer, quoi, mais qui avaient une putain d'énergie, un truc, et ça a botté le cul à des monsters comme les Who, comme tous ces groupes là, quoi. Et c'est pas décrédibiliser les Who, hein, loin de là, mais en tout cas ça a amené une décharge, quoi, quelque chose. Et là, ça a besoin de ça. La problématique, je pense, aujourd'hui des gens, c'est de vouloir absolument faire des albums, de marcher, de vendre, et de voilà, quoi. Et que l'essentiel dans tout ça, c'est d'abord de faire de la musique. Tu penses qu'il aurait besoin de quoi, le rock actuel? Plus d'innovation au niveau du son, de... D'insolence, d'attitude. C'est une musique d'attitude, le rock, à la base. Oui, c'est pas une musique d'apparence. Non, non, du tout. C'est une musique d'attitude, quoi. C'est pas rentrer dans des philosophies, machin, mais c'est une musique d'attitude. Et c'est à la base quelque chose qu'on fait, voilà, c'est une envie, quoi. C'est un élan, c'est une nécessité, c'est un besoin. Après, la résonance que ça a, c'est la résonance que ça a. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils font des trucs, ils pensent d'abord à la résonance, quoi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement compliqué, quoi. Parce que calculer ces choses-là, justement, dans un monde où il y a de moins en moins de gens qui sont signés, ou plutôt les majors rendent les contrats aux artistes, et puis aussi, voilà, où c'est quand même un truc aujourd'hui où il y a de moins en moins d'artistes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de propositions, et c'est ce qui fait qu'en effet, moi, ça, il y a des gens que ça fait tomber des chaises, mais moi je kiffe des gens comme Lady Gaga, tout ça, quoi, parce que c'est des gens qui ont des vraies propositions. Alors après, on les aime, on les aime pas. On adhère ou on n'adhère pas. Mais en tout cas, il y a une vraie proposition. Il y a un univers qui arrive, qui est là, il y a une façon de voir, il y a un look, il y a un truc, mais tout est à l'avenant, quoi. Et ça, je trouve ça plus intéressant que des mecs qui arrivent avec des morceaux à 3 minutes 30, qui chantent tous pareil, produits par les mêmes personnes, ça sonne pareil, c'est exactement... C'est formaté, quoi, c'est du formatage, c'est de la consommation. En artiste, il y a des gens comme M, comme Camille, comme voilà, mais il y en a combien pour le flot de gens qui sont là, qui sont là pour paraître, donc je pense que la raison essentielle pour laquelle on fait les choses et on s'implique dans les trucs, c'est ça, c'est essentiel, mais que c'est important de le faire pour de bonnes raisons, et les bonnes raisons, c'est ce qui toi te motive et te fait qu'à un moment tu dis bah tiens, je vais faire du son, quoi, et pas se dire bon alors on va faire ça parce que peut-être que... Et là, tu rentres dans des calculs qui, aujourd'hui, n'ont plus de sens. Donc, pour toi, actuellement, il n'y a pas de groupe de rock français vraiment excitant? Si, il y a des gens comme Skip the Use, tout ça, qui sont intéressants, qui ont énergie, mais c'est le reste, c'est... Enfin, je sais pas, maintenant, je connais pas suffisamment non plus cette scène pour en faire une globalité, donc ça serait très présomptueux de ma part. Mais en tout cas, j'ai pas la sensation qu'il y ait un mouvement... un mouvement comme voilà, comme quand nous on a démarré, où il y avait des groupes partout, des groupes à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, ça bougeait partout, quoi, et des gens qui avaient tous une identité, qui avaient leur propre identité. Alors dans tous ces mouvements là il y a un foisonnement de trucs qui arrivent, et il reste toujours quelques gens qui sortent de ça. Du mouvement punk sont sortis les Clash, les Pistols, des gens comme ça, Police, voilà, mais en tout cas ça crée quelque chose. Là aujourd'hui, tout le monde s'observe et essaye de plus copier très souvent 10 crans en dessous ce que font les Américains, plutôt que d'être dans un truc qui leur est propre. Et ça, je trouve ça dommage. À propos de rock, de vrai rock, tu as eu la chance de côtoyer et d'être ami avec Bon Scott d'AC/DC. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Oh, une grande humanité, une soif de vivre. C'était quelqu'un de profondément vivant, quoi, qui aimait la vie, qui aimait les choses simples, qui aimait... c'est d'abord ça, quoi. Qu'il a vécu intensément. et qu'il a vécu intensément. Ouais, non, complètement. Mais c'est aussi quelqu'un qui était là un peu, qui trouvait que tout ça était un peu un accident, quoi. Donc il y avait une démarche saine. Donc mais c'était d'abord d'un voilà le rapport, il était avant tout humain, quoi. Pour revenir à cette tournée solo qui se profile, qui est-ce qui vous accompagne, Iso et toi, sur scène, et de quoi sera constituée la setlist de ces concerts? On a un batteur qui s'appelle Franck Contegari, et Noël à la basse, et des machines, et Iso qui fait toutes les guitares. Après le set, il va être constitué de essentiellement cet album. Il y a toute une partie acoustique, voix et guitare acoustique. Il y a des titres inédits là-dedans. Et puis il y a un titre des anciens albums et un truc que j'ai bossé pour la musique de mon prochain film qu'on a mis en place hier, quoi. Voilà, on est sur à peu près une setlist de 20 titres. D'accord. Et je crois savoir qu'en parallèle vous allez faire des showcases acoustiques dans des FNAC, c'est ça? On fait des showcases acoustiques dans des FNAC, on en a fait un au Forum des Halles samedi dernier et ça fonctionne vachement bien, quoi. C'est vraiment un back to basics. C'est un truc très posé, quoi. Très très en proximité avec les gens, mais les gens qui viennent en tout cas apprécient vachement ça. C'est voilà. C'est intéressant, c'est assez vertigineux d'arriver juste une voix, une guitare, quoi. Hein, parce que là, il y a pas de, il y a pas de. Ouais, non, il y a pas d'artifice. Alors après, les gens vont voilà, encore une fois, apprécieront, tant mieux, apprécieront pas, tant pis. En tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de faire, de faire cette histoire et de la mener, quoi. Et on se sent totalement en harmonie avec ça. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Là, on répète tous les jours, et vraiment, qu'on fait tourner des titres et tout, c'est un grand kiff. Dans une interview récente à Rockhard, Nono disait qu'il n'était pas du tout satisfait du mix du dernier Trust, très à table, qu'il n'était pas assez rock à son goût et que le prochain album serait beaucoup plus basique, sans machine ni platine. Est-ce que tu confirmes? Ah, moi je confirme rien, je sais pas s'il y aura un prochain album de Trust, je sais pas de quoi il sera fait. Maintenant, s'il trouve que l'album est mal mixé, je comprends pas trop pourquoi il l'a pas dit à l'époque, quoi. Dans l'interview, il disait qu'il était pas là à ce moment-là. Ça, c'est drôle. C'est super drôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a passé 2 mois à refaire des guitares chez lui tous les jours et d'amener des guitares tous les soirs au studio, quoi. Donc, s'il était pas là, il y a un moment, on n'a pas dû vivre le même truc, quoi. Ouais, c'était son double. Il doit avoir un clone. Non, il délire, il est mytho, là. C'est un coup de mytho, là. Non, je pense qu'il a... je pense que c'est essentiel qu'il revienne à des choses, voilà, basiques, simples. Mais je trouve ça un peu déplacé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais l'album, on l'a tous avalisé, quoi. Donc, il n'y a rien eu... Rien n'a été imposé, ni quoi que ce soit, quoi. Donc c'est pas très honnête de sa part de dire ça maintenant. Mais bon. Toi, t'aimerais continuer dans la veine de 13 à table s'il y a un prochain Trust? Ah, non, moi refaire ce que j'ai fait il y a 20 ans, ça ne m'intéresse pas. Donc à partir de là, il y a pas de débat, quoi. C'est moi, si on fait un album de Trust, enfin voilà, quoi. En gros, c'est forcément, il faut qu'il y ait de l'électro dedans, il faut qu'il y ait des choses comme ça, quoi. C'est en tout cas, voilà, que ça avance, ce qui est. Mais si c'est pour refaire ce qu'on faisait il y avait 20 piges, ils le feront, mais sans moi, quoi. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Voilà, il y a des groupes comme Gossip, ça, que j'aime bien, Pony Hawks, tout ça. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve que justement, d'autant plus là avec ce qu'on fait, le mec qui nous fait le son, c'est le mec qui nous fait le son pour Trust. C'est justement ce qu'il nous disait, c'est-à-dire Madge, c'est lui qui a mixé cet album. Et c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait qu'il y a un vrai créneau en restant justement dans une musique rock avec des grosses guitares et tout, mais d'allier ces sons là quoi. C'est les métissages qui sont intéressants, vraiment. Ça n'a aucun intérêt de refaire ce qu'on a fait il y a 20 piges. Enfin, franchement, je vois pas. Mais en même temps, c'est pas une découverte. Hein. Moi, c'est quelque chose. Quand on s'est reformé, c'était pour moi la condition sine qua non, quoi. De faire évoluer les choses. C'est pas renier ce qu'on a fait, mais les faire évoluer. Voilà. C'est important. Pour terminer, t'as aussi réalisé 3 films qui montrait un vrai style d'écriture et une vraie personnalité de cinéaste. Est-ce que tu comptes en réaliser d'autres ? Oui, non, j'ai deux films de signés là. Et si tout se passe bien, je devrais tourner cet été ou à la rentrée. Après, le cinéma, voilà, c'est très compliqué, c'est beaucoup d'argent. Et un film se fait quand l'argent est à la banque, quoi. Donc là, on est dans les plans de financement, les choses avancent vraiment bien, chose du web. Mais voilà, il faut. Ça prend du temps, c'est très long parce que c'est beaucoup d'argent, puis c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans parce que là aussi il y a la crise, il y a tout ça quoi. Donc et en plus en effet, je suis dans une veine d'écriture qui est pas voilà, moi je travaille pas avec Franck Dubosc, avec ces gens-là, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ça serait sur quel sujet, si tu peux nous donner des petites pistes? Un film qui est signé avec Dominique Besnéard et Pierre-Antoine Capton, que je dois faire, donc ce film pour l'été, normalement, ou la rentrée, qui est un film qui se déroule dans le milieu musical des années 80. Voilà, puis j'ai un autre film que j'ai signé avec une boîte qui s'appelle Mascaret, qu'on produit la journée de la jupe. Et ils m'ont racheté les droits d'un roman que j'ai publié il y a un an et demi, qui s'appelle « Depuis des larmes au pays du sang ». Et qui se passe au Liban, et donc on va adapter le roman pour le cinéma. Voilà. On a fait le tour ? Merci, c'était merveilleux. Merci beaucoup, Bernie.